5-4-3-2-1-0. Oups. On va parler de la Légion majeure du Québec avec Yves Bolduc. C'est la nouvelle de la journée, le Talk of the Town, avec 9% seulement des chances. Yannick Jean et les Saguenay-Lescoutimi, en principe, si on ne change pas le premier choix, vont repêcher au premier rang. C'est la première fois depuis 1979, on en parle avec Yves Bolduc. Salut Yves! Salut, Danny. Yves, 9% des chances. Ça donne de l'espoir pour le Canadien, pour les amateurs du Canadien, dans le fond. ouais, ça c'est un autre dossier. mais ce qui s'est passé avec les Saguenayens hier lors du tirage, le fameux boulier là, qui donne accès au premier choix de la séance de sélection de 2018, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand tu penses qu'il y avait 21 boules dans le boulier, et puis la boule qui a été tirée numéro 1, c'est celle des Saguenayens de Chicoutimi, c'est une très, très grande nouvelle pour l'organisation parce que contrairement à Marc Bergevin, on sait que Yannick Jean, lui, a un plan. Ouais. On l'a vu cette année, il est allé ramasser là, plus de 15, je pense, c'est 17 choix de repêchage là, lors de la prochaine séance de sélection. 17? On sait qu'il les utilisera pas tous. Là. Ouais. Il y a des transactions qu'il ne pouvait pas annoncer parce que les joueurs sont toujours avec leur organisation actuellement. Moi, je vous le dis, là, je m'attends à ce qu'il y ait un joueur minimum d'impact qui va s'amener avec les Saguenayens en retour d'un choix qui va retourner à son équipe. Puis là, ben ce choix-là, en plus, le premier choix repêchage, qui est pas quand même, pour faire attention, là, c'est un excellent choix, mais il n'y a pas d'Alexis Lafrenière cette année dans la séance de sélection. Il y a des très bons joueurs de hockey, il y en a plusieurs, mais ils sont pas mal. On dirait qu'ils sont tous pareils. Là. Fait que s'il y en a un qui part, ben c'est pas grave, là, dans les 5-10 premiers, là, on peut trouver quelqu'un qui pourrait pallier sensiblement aux mêmes besoins que les Saguenayens auront, mais le choix des Saguenayens hier, écoutez, ça va être la première fois en 40 ans que les Saguenayens vont sélectionner premier au total. La dernière fois, c'est en 1979. C'est un Genois, Éric Bernier d'Alma, qui avait été le premier choix de la séance de sélection. OK. Et puis, avais-tu connu une belle carrière rapidement? Ben oui, Éric Bernier a connu une très, très bonne carrière junior majeur du Québec. Là, il a joué 3 saisons avec les Saguenay. Il a été le capitaine des Saguenay, puis il avait été échangé à sa dernière année au Rempart de Québec. Mais Éric Bernier, là, c'est un gars de sa dernière saison avec les Saguenay. Les gens vont s'en rappeler, là, 43 buts, 70 passes, 109 points. Ah, et c'est bon. Mais Yves, donc, c'est pas impossible que Yannick Jean recule. Là. S'il trouve son offre, c'est pas impossible. Là. Donc, on va. C'est ça que tu es en train de... Ben, d'après moi, non. Je pense pas qu'ils vont reculer. Je pense qu'il va garder son premier choix. Il va sélectionner numéro 1. Mais c'est sûr qu'à partir de maintenant, là, il y a des équipes qui vont le téléphoner, entre autres les Cataractes de Shawinigan, parce qu'eux étaient visiblement très déçus du tirage au sort. Parce qu'en plus, eux, ils reculent dans la séance de sélection. Donc, ils ont terminé 15e, ils ont terminé 17e, ils vont repêcher 3e. Et la séance de sélection, c'est chez eux. À Shawinigan, ben oui. C'est les 50 ans des Cataractes. Alors, je m'attends à ce que Martin Mondou va s'essayer, mais je crois pas que Yannick Jean va bouger à ce niveau-là. Il va garder son choix. Il pourra peut-être transiger, par contre, d'autres choix qu'il a obtenus par la suite, s'il obtient ce qu'il veut, mais moi, ce que je vous dis, là, prenez par exemple le Titan à Cathy Batters, ils ont fait deux grosses transactions avec eux, là, German Rubstov et Olivier Galipo. D'après moi, il y a un joueur d'impact en Acadie Batteuse qui s'en vient à Chicoutimi l'an prochain. Puis là, ben, avec l'équipe qui va être en... Tu sais, il y a 19 vétérans qui reviennent avec les Saguenay. On sait qu'ils ne seront pas tous là, mais c'est une bonne formation. Va être une bonne formation l'an prochain. Tu ajoutes un joueur d'impact, un premier choix d'importance. L'avenir est prometteur là, avec les Saguenay. Donc, rapidement, on va y aller avec les quatre... D'abord, être surpris au septième match et toutes les équipes de l'extérieur qui ont gagné. C'est surprenant pareil, hein? Toute la gang. Moi, je vais te dire, par mon passé, là, deux fois, là, j'ai dans mes implications avec certaines équipes de hockey, entre autres avec les Riverains du Collège Charlemagne et avec le Collège français de Longueuil dans le Junior 3A, on s'est présenté deux fois en septième match pour le club visiteur, puis on les a remportés les deux. Alors, moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que le visiteur, là, il y a un avantage à jouer le septième match parce que il se présente là... Moins de pression, ouais, c'est ça. La foule, elle va balancer de toute façon. C'est plus au niveau du local, parce que si la foule décide, si tu prends une avance rapide, puis la foule abandonne ton équipe, ben là, c'est terminé. Alors, c'est ce qu'on a vu dans les 3 septièmes matchs qui ont été présentés pour terminer la première ronde, mais Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est qu'il y a deux événements importants là, dans les séries. D'abord, la déclaration de Serge Beausoleil qui s'en est pris au gardien de but Welsh des Wildcats de Moncton. Puis ça, c'est vraiment incompréhensible. Là. Serge Beausoleil était en avant 3-2. Il n'y avait pas du tout à faire cette sortie-là. Il fait cette sortie-là contre le gardien de but. Puis là, il se met à bloquer toutes les rondelles. Il élimine l'Océanique de Rimouski. Alors, c'est une déclaration que personne ne s'explique. Puis même lui, il a été assez honnête là, puis pour dire au gala des Rondelles d'Or dans une vidéo lorsqu'il a remporté le titre de directeur général de l'année que dans le hockey, là, t'apprends à tous les jours. Puis c'est pas juste les joueurs qui apprennent, les entraîneurs apprennent également. Puis lui, il l'a appris à la dure cette semaine. Mmh. Dans la deuxième portion de ce que j'ai remarqué là, pour terminer, puis ce qui est un peu troublant, ben c'est ton ami Gilles Bouchard qui a été... Ben oui! Ben, écoute, c'est un vol. On peut pas dire d'autre chose que ce mot-là. C'est un vol. Les gens qui ont regardé le match à la télévision, si le bâton de Luke Green ne monte pas au visage de Samuel Harvey-Pinard, probablement qu'il marque le but gagnant. S'il marque pas le but gagnant, il devrait avoir au moins une pénalité de 4 minutes donnée au Phoenix de Sherbrooke. On sait pas si les Huskies auraient marqué durant ces 4 minutes-là, mais... où regardaient les officiels lorsque la rondelle était à un pied du but. Là. C'est complètement inexplicable. Le Phoenix qui emporte le sixième match, puis vont battre par la suite les Huskies à la maison. Donc ça, c'est une partie là, qui était un petit peu troublante de la première ronde. Mais la page est tournée, puis dès ce soir, on amorce la deuxième ronde des séries avec... 4 quarts de finale. Ah oui, et moi, la finale la plus intéressante, c'est Victoriaville contre Drummondville. Moi, je pense, en tout cas, là. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, là. C'est la série où ce que les propriétaires des deux équipes vont faire le plus d'argent parce que, on annonce complet à Victoriaville pour les matchs 3 et 4. À Drummondville, je viens d'aller vérifier, il reste peut-être une cinquantaine de billets pour le match de ce soir, puis une cinquantaine de billets pour le match de demain soir également. Et puis, c'est à 30 minutes de distance, donc les frais de transport sont pas très élevés. Alors, les deux organisations vont s'en mettre plein les poches, et c'est une rivalité naturelle, là, Victoriaville et Drummondville. Dans la saison, il y a eu 5 affrontements entre les deux équipes. Les Tigres l'ont emporté 3-2, dont le match... qui a été présenté extérieur, la classique hivernale. Moi, je pense que quand on regarde les deux formations, au niveau des buts, il faut donner avantage au Tigre de Victoriaville avec Étienne Monpetit, mais les voltigeurs sont pas très, très loin derrière parce qu'Olivier Rodrigue là, est un excellent gardien de but, un top prospect pour le prochain repêchage. Le seul handicap qu'il a, c'est qu'il a 17 ans. Mais à part ça, là... il pourrait causer une surprise devant les buts, mais Étienne Monpetit, c'est un gars qui a une fiche qui est assez éloquente. Là. Il a gagné en midget 3, il a gagné au niveau junior majeur, c'est un gardien de but qui n'a pas de nerfs, il va te faire un arrêt au moment où tu penses pas, donc l'avantage devant les filets va au Tigre. Du côté des défenseurs, je vais donner un légère avantage aux voltigeurs de Drummondville parce que Dominique Ducharme a fait du bon travail, puis ils ont un corps arrière en Nicolas Baudin que les Tigres n'ont pas malheureusement. Ils ont plusieurs joueurs qui sont peut-être égales, mais ils n'ont pas de Nicolas Baudin dans leur brigade défensive. Par contre, en attaque, il n'y a rien qui va battre la meilleure ligne. Puis j'entendais des dépisteurs, là, je suis allé en fin de semaine au gala des Rondelles d'Or de la Ligue junior majeure du Québec, puis j'entendais des recruteurs de la Ligue nationale qui n'hésitaient pas à dire que le trio de Maxime Comtois, Vitaly Abramov et Ivan Kozarenkov est définitivement le meilleur trio de la Ligue de hockey junior majeure du Québec et peut-être même de la Ligue canadienne. Donc, un large avantage au Tigre de Victoriaville qui, d'après moi, devrait l'emporter en 6 matchs. OK. Dans les autres séries, Sherbrooke, Acadie Batters. Ben ça va être une série qui va être intéressante. Là, je donne un avantage au Titan d'Acadie Batters, mais ce qui va être intéressant, Danny, dans ce cas-là, c'est que à la période des fêtes, les deux formations se sont transigées leur gardien de but. Alors, est-ce qu'Evan Fitzpatrick vaincra ses anciens coéquipiers du Phoenix de Sherbrooke ou c'est Riley Pickard qui jouera le tour au Titan d'Acadie Batters? Ça va être intéressant à surveiller. Le Phoenix est sur un air d'aller. C'est la première fois qu'il passe la première ronde des séries. Donc, c'est une première expérience pour eux en quart de finale. Et ils l'ont eu à la dure avec les Huskies de Rouyn-Noranda, mais depuis la période des fêtes, là, ils marchent un train d'enfer. Du côté de Titan Acadie Batters, moi, j'ai hâte de voir le premier match ce soir parce que Oui, ils ont battu les Saguenay-Chicoutimi, là, mais ça a été difficile, pas mal ben plus oui. difficile qu'ils pensaient. Ben, German Routsoff, c'est écoute, au risque de me répéter, c'est une déception. Effectivement, ça a été une déception. Puis on peut parler également d'Antoine Morin, qui est un deuxième choix de la séance de sélection de 2017, je pense. Oui, pour la Ligue nationale. La Ligue nationale, la transaction de 2016. 2017, il a été un deuxième choix des deux Anaheim. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et cette année, il n'a pas connu la saison qu'il devait connaître. Puis en série éliminatoire, on n'entend pas beaucoup son nom. Donc, est-ce qu'il y aura un réveil du côté de Roubisov et de Morin du côté d'Acadie Batters? C'est probablement la solution pour eux. OK. L'Armada de Blainville-Beaubriand qui affronte les Wildcats à Moncton. Oui, ben ça paraît encore un affrontement qui est débalancé. On peut penser que l'Armada va s'en débarrasser rapidement. Par contre, les Wildcats ont surpris tout le monde en défaisant l'Océanique de Rimouski en 7 matchs. Est-ce que pour eux, cette victoire-là, ça représente la Coupe du Président? On verra qu'est-ce qui va se passer, mais moi, je donne pas la victoire aussi rapidement à l'Armada. En termes de match, je pense qu'ils vont gagner en 5 matchs, là, mais ça va être difficile à chaque match. Ils vont trouver ça dur parce que les Wildcats de Moncton, là, Danny, au 1er novembre, ils étaient premiers au classement général de la Ligue junior majeure du Québec. Puis là, ils se sont mis à trébucher, puis ils ont eu des problèmes, puis finalement, ben, ils n'ont pas connu la saison que tout le monde pensait qu'ils connaissaient au début de l'année, mais ils ont causé la surprise en éliminant l'Océanique de Rimouski. Alors, je ne pense pas qu'ils vont la recréer à nouveau avec l'Armada, mais ça va être 5 matchs chaudement disputés. OK. Donc, et une finale, une série de toutes maritimes, les Islanders de Charlottetown contre le Moussia d'Halifax. Ça va être une série. Moi, je vais donner l'avantage au Moussia d'Halifax en 5 matchs. Je pense que les Islanders de Charlottetown ont dépensé beaucoup d'énergie dans leur série de 7 matchs contre les Remparts de Québec. Oui, ils ont remporté. C'est une équipe qu'on voyait pas là. C'est une équipe qui devait pas être en série éliminatoire lorsque ceux qui se prétendent les connaisseurs de la Ligue junior majeure du Québec ont fait leurs prévisions en début de saison. Maintenant, ils ont comme je te dis, là, ils ont dépensé beaucoup d'énergie. Là, 2 périples à Québec de 3 jours durant une série éliminatoire. Ils ont joué plusieurs. Ils sont rendus à 7 matchs. Même si la dernière victoire était convaincante de 8-3, là, et ils ont quand même fait le voyage de retourner à Charlottetown, puis beaucoup d'énergie, tandis que les Moussas, eux, attendent déjà depuis presque une semaine et demie là, leur adversaire, donc je vais donner l'avantage aux Moussas d'Halifax en 5 matchs. OK, donc ça va être assez tranquille. Bon, ben ça fait pas mal le tour pour cette semaine. J'aurais voulu te parler du gala des Condors. Ben, rapidement, Alex Barré-Boulet, joueur le plus utile, Alexis Lafrenière, recrue de l'année, pas vraiment de surprise là-dessus? Non, il n'y a pas eu vraiment de surprise au niveau du gala des Rondelles d'Or. Joël Bouchard qui a mérité le titre d'entraîneur de l'année, Serge Beausoleil, celui de directeur général. Celle-là m'a surpris peut-être un peu plus. Oui, on lui a peut-être donné là, dans le sens qu'il a quand même réussi à développer 2 excellents joueurs au cours de la saison, là, Colton Ellis et Alexis Lafrenière. Mais moi, sur ce côté-là, je donne ça plus à l'entraîneur qu'au directeur général. Le directeur général fait des choix, puis c'est l'entraîneur qui les développe par la suite. Moi, j'aurais vu plus un gars qui a été complètement oublié au niveau des nominations, là, Kevin Cloutier, des Tigres de Victoriaville. Son équipe allait nulle part avant la période des fêtes. Il était 11e au classement. Ils ont même glissé 14e à un moment donné. Puis avec les transactions de Jérôme Gravel, de Mathieu Charlebois, de Vitaly Abramov, d'Étienne Monpetit, ben, ils sont ici au 6e rang du classement. Puis ils sont véritablement sur un air d'aller. Fait que c'est un gars qui a été un petit peu oublié, mais en gros, là, il n'y a pas eu de déception à ce niveau-là. Et puis, chapeau à Vincent Lapalme Tremblay des Saguenayens, là, qui a mérité pour la première fois en 45 ans le titre de joueur implication communautaire. Bon, on s'en reparle. Évidemment, j'aurais voulu parler de Ligue junior 3, mais ce n'est que partie remise. On va s'en parler la semaine prochaine parce que je veux t'en parler parce que j'ai appris que tu étais directeur des communications. Je veux savoir, parce qu'on a eu un attachement avec le multiconsénat il y a quelques années, je veux savoir comment que ça va à la Ligue. Mais là, avec l'histoire des Saguenayens, ben, ça l'a remplacé ça. On s'en reparle la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème, Danny. Yves Bolduc, notre collaborateur de la Ligue junior majeure du Québec.